Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'Histoire, comment raconter l'histoire des décolonisations? Oui, de quelle couleur est le débat? Eh bien le débat est ouvert. Cette année, deux séries documentaires ont été diffusées sur des chaînes de services publics, toutes les deux intitulées « Décolonisation ». La première, diffusée en janvier sur Arte, la deuxième sur France 2 la semaine dernière, avec une confusion immédiate entre les deux programmes homonymes qui donnent pourtant des visions très différentes du sujet, parce que loin de voir se répéter la même histoire, on y voit apparaître deux rapports au présent qui les distinguent très nettement. Sous un titre similaire, deux points de vue, deux propositions et même deux attitudes face à l'histoire de la décolonisation aujourd'hui. Cette histoire a laissé des traces indélébiles dans les cœurs et dans les âmes. Je proclame l'indépendance. Le temps des colonies n'est plus, mais les blessures restent vives. Je vous ai compris. Il est temps d'affronter ce passé qui a fait couler tant de sang et de larmes. La série la plus récente, Décolonisation, du sang et des larmes, réalisée par David Cornbrosa et Pascal Blanchard, s'intéresse à la décolonisation française. Le récit se focalise sur le démembrement progressif de l'Empire et se situe d'emblée à l'intérieur même de la matrice coloniale par une séquence inaugurale en 1931 dans l'exposition coloniale internationale de Paris. La voix off expose au cours des deux épisodes le déni impérial face à sa déchéance, un récit chronologique très politique en archives colorisées, entrecoupé de témoignages de descendants de colonisés qui font part de leur mémoire familiale douloureuse, des épisodes de violence extrême et des mauvais traitements infligés aux indigènes des colonies, racontés et transmis par leurs aînés. Une histoire et un bilan des crimes coloniaux qui tranchent avec la deuxième série, intitulée « Décolonisation aussi », de Karim Misquet, Marc Ball et Pierre Singaravelou, qui prend le parti de raconter la colonisation du point de vue de ceux qui l'ont combattue. Ça commence quel jour, la lutte? Ça démarre comment? Elle vient d'où l'étincelle qui mène à la révolte? Il en faut quand même du courage pour affronter ces hommes blancs avec leurs machines qui crachent 500 balles par minute. Cette fois, c'est une histoire mondiale d'une décolonisation qui commence dès la conquête. Le ton est donné, le récit sera du côté des révoltés contre le colonialisme, de ceux qui auraient pu changer le cours des choses s'ils avaient été écoutés, la trajectoire de ceux qui ont combattu la colonisation dès son apparition sur leur sol. De l'Inde à l'Afrique du Sud, en passant par le Vietnam et le Maghreb, on traverse la contestation des empires directement dans les territoires conquis, pour un récit qui ne cache pas sa volonté de sortir des représentations humiliantes des colonisés, trop souvent privilégiées pour dénoncer un passé dont les victimes sont réduites à une passivité qui les rend absentes à leur histoire. Une série à contre-courant qui réarme l'esprit sans pour autant négliger les anonymes qui se sont soumis pour survivre. Deux séries à découvrir donc, avec un sujet commun en apparence, mais leur programme est différent. Pour l'une, il s'agit d'établir la nécessaire liste des crimes et de donner la parole aux descendants des victimes de la colonisation, une déploration et une dénonciation. Pour l'autre, c'est un renversement de la tradition historique qui embrasse l'histoire des colonisés à l'endroit de leur lutte précoce et persistante contre la domination européenne. Si les deux semblent nécessaires, il ne s'agit pas d'opposer les victimes aux héros et les crimes du colonialisme doivent être dits et transmis, de quoi a-t-on le plus besoin aujourd'hui ? Probablement d'entendre ces colonisés acteurs de leur propre décolonisation et donc de leur propre histoire. Merci Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'Histoire, celui-là et tous les précédents, à écouter en podcast sur France Culture et sur l'application Radio France et puis sur le site du cours de l'histoire, enfin franceculture.fr, le site de votre journal Anaïs. Il y a les liens vers ces deux documentaires, vers France 2 et vers Arte TV.